de l'émission. Voilà, c'est la deuxième partie de la mission. Qui commence. Qui active. Commence. Ouais, qui yes. Qui... Et toujours avec Guy Marchand. Est-ce que c'est un signe, ça? Je sais pas. Et Guy Marchand qui revient fort. C'est la destinée. C'est la destinée. Ouais, Guy Marchand qui revient fort, qui est un bon comédien, qui a été, qui a eu. Qui s'est perdu. Qui s'est perdu un peu dans la télé quand même. Hein. Ouais, plus. Enfin, je sais pas s'il s'est perdu. En même temps, voilà, un comédien, il doit bosser. Il passe par la télé. Il bosse. Bref, qui a été un peu, je sais pas, mis au placard, un peu dans les années 90 et tout ça. Et non pas dans le film Le Placard. Hein. Et non pas dans le film Le Placard. Et qui est revenu fort avec le film de Christophe Honoré dans Paris où jouait le père de Romain Duris. Et de Louis Garrel. Ouais. Et la mère était jouée par Marie-France Pizier. Qui est très, très, très, très, très bon dans le film d'ailleurs. Hein. Ouais. Et surtout Guy Marchand, quoi. Guy Marchand est très, très bon dans le film. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'avais interviewé. Un peu dépressif. Pardon, excuse-moi. J'avais interviewé Christophe Honoré à l'époque et. On appelle ça la monolithe. Et j'avais interviewé Christophe Honoré, donc hein, j'appelle Christophe, hein, cri-cri. Et qui me disait qu'au départ, quand ils avaient proposé à Guy Marchand de jouer dans Paris, il se trouvait tellement has-been qu'il pensait que c'était une blague en fait. Il pensait qu'il se moquait de lui. Et il a fallu vraiment le pousser pour le convaincre de jouer. Et au final, il a eu raison parce que le film est super. Voilà, si Guy, tu nous écoutes, spécial dédicace à toi. Ah, excuse-moi Jojo, vas-y, reprends la parole, putain. Je suis désolé, putain, j'ai été peut-être un peu trop sec tout à l'heure. Allez, vas-y, reviens vers nous. Il fait le chafouin, Jojo. Allez, Jojo, avec nous. Tu imites Jojo là ? Oui. Il faut aller chercher dans le fond, tu crois qu'il y a un peu ta voix. Merci Yomgi. Merci le matos d'être venu nous délecter de tes sons. Je serais tenté de dire que c'est vraiment très sympathique de nous avoir délecté de tes sons tous les jeudis, hein, le matos. Merci. Je vous laisse sur la sélection. Je vais me déconnecter d'ici quelques instants. Vous devrez vous reconnecter si vous voulez nous réécouter ce soir en faisant vos petites affaires. Eh bien, je te remercie. Je vous embrasse tous. Et love you, baby. Baby. Voilà, c'était une imitation un petit peu ridicule de Michel Vedette. Et tout de suite, Nina Simone qui, elle, ne triche pas. Ah, c'est pas là. Jojo, est-ce que tu veux dire quelque chose ? T'as rien à dire. Oh putain, il fait vraiment la gueule. Donc c'est Inland Empire de David Lynch. C'est pour ça qu'on écoute Nina Simone. Zimmerman, la version Edith, qui est magnifique. Edith, hein. Pas Piaf, hein. Thank you. Je veux t'entendre, Jojo, là. Ouais, je suis là. Je veux t'entendre avant la fin de l'émission. Je suis là. Bon, on a parlé de Christophe Honoré tout à l'heure. C'est vrai que j'ai fait un peu mon journaliste de cinéma. Bon, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. T'es sûr qu'il n'y a pas de problème? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Inland Empire, Cinnerman. Non, mais surtout, regarde-moi. Non, pendant que tu me parles, regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Dis-moi que tu m'aimes. Il n'y a aucun problème. Dis-moi que tu m'aimes. C'était. Bon, arrête, c'est ridicule. Bah, si, moi j'ai envie de l'entendre. Bah dis-moi non, que tu m'aimes. Mais c'est ridicule. Pourquoi? Mais tu sais que je t'aime. Ah, cool. Bon, allez, on va couper. Je suis triste que tu coupes. Non, c'est vrai, non, je coupe pas, voilà. Est-ce que tu veux connaître le titre le plus poétique dans lequel a joué Patrick Dauer? Oui, j'avais envie, ouais, bien sûr. Et ben, c'est... En fait, le titre a été réalisé a priori, moi j'ai pas vu le film, hein, par sa première femme qui s'appelait Sota, S-O-T-H-A. Ah. Ça date de 81, elle s'appelle Les Matous sont romantiques. Ok. Ben, si quelqu'un a vu ce film-là, j'aimerais bien qu'il me raconte un petit peu de quoi ça parle. Et on va écouter ça beaucoup. Non, on va pas écouter ça là. Non, moi je parlais de ça comme ça. Hein. Ah, d'accord. Là, on va s'écouter en fait le dernier extrait. En fait, ça va clore l'émission de l'interview de Patrick Dauer. Mm-hmm. Ça finit sur un rire. Et juste après, c'est un enregistrement parce qu'il voulait s'essayer à la chanson Patrick Dever. Il avait notamment fait une impro sur F comme Fairbanks de Boris Dugovson. Et donc, il avait fait un peu la musique du film. Et il avait écrit une chanson qui s'appelle Le Policier. Et on va l'écouter. Il avait chanté sur le plateau de Champs-Élysées à l'époque. Et juste après la dernière interview, là, on va s'écouter donc Le Policier par Patrick Dever, présenté donc par Michel Drucker, hein, qui lui est toujours bien vivant. Très bien. Les films que je fais sont des films très différents. Est-ce que vous faites du cinéma pour durer très longtemps? Ben j'aimerais bien, ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont faire du cinéma ou qui vont faire une carrière artistique très intense sur une période de 10 ans. Ouais. Et qui ont comme souhait après 10 ans de sortir et ou qui ont comme souhait après 10 ans d'arrêter ou 15 ans. Ah oui, ça, ce sont des gens très très très très organisés. Et vous, non? Moi, je veux pas. Patrick Dever, chanteur. Allez! Se dévouer. Moi j'ai eu le cœur à contre-cœur, mes mains en sueur, essuie mes pleurs, et je sèche mes armes en tamponnant. Faut pas frotter chaleur. La noirceur de l'arme. Je suis un policier. Personne ne m'aime. Et j'ai des copains dans le monde entier. Un par quartier, un par palier. L'amitié entre officiers, ça remplace pas les faveurs, faut pas frotter. Faut tamponner, sans quoi ça retire la chaleur. La noirceur, la noirceur de l'arme. Je suis un policier. Personne ne m'aime. Tigre, tu peux passer. J'ai les deux doigts sur ma casquette et dans mon pantalon. J'ai mon canon, pour que ça tourne rond, faut que ça tourne rond. La terre en tamponnant, faut pas frotter, sans quoi ça retire la chaleur. Thomas, c'était une belle fin quand même. Bah, une belle fin, une fin une en chanson, fin, c'est quand fin, même mieux que... une fin gaie, une fin avec un rire, une fin avec une chanson. Absolument, pleine d'espoir. Voilà, la fin de Patrick Devers, malheureusement. Et ouais. Qui n'existe plus que réellement dans que dans notre cœur, bien sûr. Et sur la toile. Et sur la toile, et auditivement. Est-ce que ça se dit auditivement? Si, auditivement, c'est un bel adverbe. Voilà. Ça, c'est bon à sortir, ça, au Scrabble, auditivement, si tu le sors, c'est bon. Ça fait mon compte trouble. Mon compte trouble. Tu me troubles. Tu me troubles énormément. Je voulais remercier tous nos auditeurs et nos auditrices. Nombreux, qui nous ont écoutés ce soir. Et c'était la soirée spéciale Patrick Devers. Patrick Dauer. Dauer. Patrick Tétard. Absolument. Concocté par Thomas Borez. Le Mato. Le Mato, aka Le Mato. N'oubliez pas que vous vous retrouvez lundi soir... Guillaume, professeur Guillaume, mardi soir, Michel Magique Vedette, en direct, tout ça en direct à 19h, mercredi prochain, une surprise encore, enfin hier soir il n'y avait pas de surprise. Mais que de surprise. Voilà. Mercredi soir, la soirée, les musiques de ma vie avec un invité surprise, et jeudi prochain, de nouveau. Le Mato pour le son Mato. Émission. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma? Et j'hésite à faire une autre soirée spéciale. Alors, il va y avoir des soirées spéciales à chaque fois. D'accord. J'hésite entre deux. Voilà. Ah bah écoute. Donc très bien. On est tout excité. Est-ce qu'on se rechante trinquant ou pas du tout pour ouais, allez, non, allez les enfants, rechantez trinquant. Allez, un petit trinquant là, coup de tête. Attention, t'es prêt? 3. Attends, on n'oublie pas. Ouais. Nous serons les premiers, Guillaume. Après, nous vaincrons. Nous serons les premiers. Non, nous vaincrons une fois. D'accord, nous vaincrons une fois. On y va. 3, 4. La victoire au bout du pied et la balle au fond des filets. L'ennemi désemparé, nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, trinquant, trinquant, trinquant, trinquant, but, but, but. Trinquant, trinquant, trinquant. But, but, but. Jojo, c'est à toi. Je suis pas sûr que ça clôt l'émission comme il le faut, mais en tout cas, ça la clôt d'une certaine manière. C'était donc Et toi, t'écoutes quoi au cinéma avec Le Mato qui nous a fait une sélection spéciale Patrick Devers, Patrick Tétard. Voilà, donc on est ravis. Tous les jeudis, ils nous gâtent énormément, ils nous délectent. Ils me disent de dire oui, ce mot délect. Pas bien dans le micro, Ils nous délectent de sa musique comme Professeur Guillaume le lundi soir, comme Michel Vedette le mardi soir, comme un invité surprise le mercredi soir. Voilà, enfin, toute une programmation de folie sur ma radio. N'oubliez pas que à partir du vendredi, le samedi et le dimanche, c'est la rediffusion des meilleurs moments des émissions, bien sûr, avec la rediffusion de l'ensemble des émissions, pas les meilleurs moments, mais l'ensemble carrément des émissions de la semaine. Voilà, donc je vous quitte et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. N'oubliez pas qu'il y a énormément de festivités ce week-end avec beaucoup de concerts, de live, de soirées, etc., etc. J'ai pas envie d'en parler parce qu'il y en a trop. Hein. Il y en a dans tous les sens. Saucisse, il y a la fête à la saucisse de Quimper. Il y a la fête de Rasmus samedi soir où il va y avoir. Ça s'appelle une fête de malade mental. L'intégrale de Josiane Balasco, réalisatrice à la Cinémathèque. L'intégrale de Josiane B à la Cinémathèque. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Ne loupez rien. Sortez, profitez. Ne restez pas enfermés chez vous. Et si vous le faites, connectez-vous à ma radio. Sachez que c'est là où ça se passe. C'était le bisou du Mato. Ouais. Michel Vedette, soirée Rasmus. Ouais, enfin bon, voilà.